Ça vous fait rire ? Vous n'avez pas honte ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur « Et vous trouvez ça drôle vraiment ?» le podcast qui traite des comédies françaises et qui se pose la question essentielle de savoir si on trouve ça drôle vraiment. Je suis Tom, et dans cette aventure, je suis accompagné aujourd'hui de mon compère de toujours, Flo. Salut Flo. Salut Tom, ça va ? Ouais. Oui, on enregistre entre Noël et le premier de l'an, donc oui. On est un croisement où depuis deux jours, c'est un petit peu la diète, hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir de lever un peu le pied là, parce que c'est compliqué, hein, cette période. Oui, c'est toujours compliqué, la période des fêtes. Pour enregistrer, tu dis, on cale un moment, et bon, ouais, bof, j'essaye de te caler entre le fromage et la bûche, on verra. Ouais, allez, voilà. Ça ira. Et nous, on s'est trouvé une petite après-midi, tranquille pépère, voilà. Pour parler comédie française, et aujourd'hui, comme je l'avais annoncé... C'est le concept, annoncé, du coup. Et oui, comme je l'avais annoncé dans le dernier épisode, on tente l'aventure des années 70. Grâce à toi, on avait testé les années 80. Là, on teste les années 70. Alors là, comme je l'avais dit, la solution de facilité aurait été de prendre un Dauphinès ou un Bourville. Bien sûr. Voilà. Et non, on a préféré prendre deux acteurs qui sont pas forcément réputés pour être des acteurs de comédie, mais plus voilà. Jacques Brel déjà est pas réputé pour être un acteur général, plutôt voilà. Quand même un chanteur. Et Lino Ventura, on va dire, c'est quand même plus des rôles drama. C'est les bourre-pif, quoi. Oui, voilà. Et surtout celui-là, effectivement. Et on va parler du film L'Emmerdeur. Je te propose de se garder la bande-annonce. J'aime bien parler avec vous. C'est drôle parce qu'on se connaît pratiquement pas et puis vous m'êtes très sympathique. Ce qu'il faut maintenant, c'est me laisser tranquille. Vous comprenez ? Tranquille ! Vous faites pas l'imbécile, voyons ! J'en peux plus, moi. Je veux mourir ! Qu'est-ce que je vous ai fait ? Ah ! Je suis mis là ! Je glisse. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. C'est fini, oui. Je vous en donne du souci, hein. À l'époque, ils savaient faire des bandes-annonces assez courtes, donc on a de la chance. Retrouver alors, Lino Ventura et Jacques Brel dans L'Emmerdeur. Jacques Brel dans L'Emmerdeur. Fin. Sorti 12. Donc sorti en septembre 73, L'Emmerdeur. Ah, j'ai bien aimé. Alors j'ai vu sur Wiki qu'il avait un titre anglais qui s'appelait A Pain in the Ass. Je trouve que ce titre est absolument magique. C'est de la poésie. Ouais, tout à fait. C'est un film d'Edouard Molinaro. Alors, son nom me parlait pas comme ça, mais quand j'ai re-regardé sa filmo à Edouard Molinaro, forcément, oui, il y a des choses qui sont assez parlantes. Hein. Oscar, ouais. Hibernatus, La Cage aux Folles, Le Souper. Voilà, c'est un réalisateur assez prolifique des années 60, 70, 80. Au scénario, on a Francis Weber, parce que c'est lui qui avait écrit une pièce qui s'appelle Le Contrat. Et qu'il a adapté donc au cinéma. Alors il se sentait pas encore à l'époque de prendre la réalisation, donc c'est pour ça qu'il a confié le bébé à Edouard Molinaro. C'est bizarre parce qu'en 2008 il l'a fait et il se sentait pas non plus visiblement. Par contre, ouais, quelques années plus tard, effectivement, il était beaucoup plus sûr de lui et s'est dit c'est mon moment là, c'est aujourd'hui, c'est pas un autre jour, les gars. Voilà, c'est la mode des remakes. Tiens, je vais faire mon remake de L'Emmerdeur. Après tout, le scénar m'appartient. Allez, j'y vais. Mm-hmm. Et qui je pourrais prendre ? Ah ben, je vais prendre Patrick Timsit, évidemment. Qui joue le rôle que Lino Ventura jouait dans le... qui est tueur à gages. Voilà, non, non. Et donc, bah, ce film a... Alors, j'ai pas trouvé le budget, budget inconnu, mais un box-office en 73 de 3,3 millions d'entrées. Voilà, ce qui est plutôt une bonne, performance pour l'époque. 3 millions de, plus de 3 millions d'entrées, ouais, c'est plutôt gros, c'est plutôt pas mal. Gros carton. Ouais. Alors, il faut dire que Lino Ventura et Brel avaient fait, je crois, l'année d'avant, il me semble. Je crois que c'était l'année d'avant. L'aventure, c'est l'aventure. Il me semble que c'était l'année d'avant. Et ils sont devenus potes, en fait, sur le tournage, et ils avaient très envie de refaire un film ensemble. Mais Jacques Brel, de toute façon, c'était son dernier film. Il en a fait quelques-uns, mais j'ai vu que c'était son dernier film. Puisque bah, après il est décédé 5 ans après, mais il avait un petit peu une douche froide avec le film qu'il avait fait juste avant, je ne sais plus comment il s'appelle, et où il s'est dit bon, peut-être je vais arrêter là ma carrière d'acteur, ce serait pas mal. Voilà. Et donc on en a parlé à la distribution, Lino Ventura, Jacques Brel, Caroline Cellier et Jean-Pierre Darras. Voilà pour les rôles les plus marquants. Qu'est-ce qu'il raconte, ce film? Il raconte l'histoire d'un tueur à gages joué par Monsieur Milan, joué par Lino Ventura. Ah, comme la qui ville. Doit, exactement, oui, comme la ville. Et qui doit venir à Montpellier parce que se tient un procès et lui est chargé d'exécuter le témoin principal du procès. Quelqu'un d'assez froid, méthodique. Et ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que son voisin de chambre à l'hôtel allait être un petit peu légèrement dépressif. Et s'appelait François Pignon, surtout. S'appelle François Pignon. Mais c'est la première apparition de François Pignon au cinéma. Et voilà. C'est le premier film du François Pignon-verse. Mais effectivement, Weber, c'est son personnage... C'est son personnage favori, voilà, qui a été incarné par plein d'acteurs différents, en fait. Ouais. C'est ça aussi qui est drôle, c'est qu'ils ont presque réussi à ne jamais le personnifier vraiment, puisque Brel l'a joué, Pierre Richard, Jacques Villeray, Daniel Auteuil. Il n'y a pas eu Gad Elmaleh ou... Enfin, il me semble. Ça m'a pas. Les films avec Gad Elmaleh, j'essaye d'éviter. Ouais, non, bah, mais... je n'ai pas vu le film, mais. Patrick Timsit, évidemment, oui, dans le remake. Voilà, ce personnage de. Ce personnage dépressif, en général dépressif, même si dans le dîner de cons, Villeray n'est pas vraiment dépressif, il est plutôt juste con et. Oui, c'est ça. Et enjoué. Le nom du film. Et maladroit. Effectivement, je viens de vérifier, nous avons bien eu Gad Elmaleh. Ah merde, dans quel film? Hein, la doublure. D'accord, oui, donc film que j'ai volontairement zappé. Omis de regarder. Oh mince. Oups. Et voilà, donc ce personnage qui va vivre au gré des années 70, 80, 90, 2000, dans des aventures ou dans des scénarios toujours plus grands que lui, quoi, et qui au final, en général, s'en sort plutôt bien, plutôt avec le beau rôle, mais... Au prix de il est maladroit, il est chiant, on est sur un personnage cartoonesque. Oui, sorte de mélange entre Droopy, Dingo. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, c'est. Enfin, tu voudrais rencontrer François Pignon dans la vraie vie. Je te souhaite bon courage. Ouais, faut s'armer de courage et de patience, ouais. J'espère que t'as pas de secret envers tes proches ou tout ça, parce que tout va être dévoilé. C'est à son corps défendant. Ah oui, oui, mais ce sera pas sa faute. Ce sera la tienne parce que t'as voulu le rencontrer. Mais et donc le François Pignon joué par Jacques Brel, est un dépressif et qui va chercher se suicider dans la chambre d'hôtel attenante à celle de Lino Ventura, qui lui est là pour exécuter un contrat, tout simplement. Voilà le pitch de départ. Je crois que toi, comme moi, on n'avait jamais vu le film. Non, j'avais jamais vu. C'était une première, effectivement. Et son remake. Alors, je sais pas si t'as tenté le remake. Non. Pas vraiment. Non. Enfin, des fois, quand il y a des remakes, effectivement, je me souviens pour date de sortie avec True Lies, j'ai voulu regarder la totale avant pour faire le comparo. Sachant que là, le remake a été fait par Francis Weber, qui avait déjà écrit le scénario, qui était déjà au scénario du premier, je me suis dit, avoir un copier-coller juste à la place de Jacques Brel, c'est Patrick Timsit, quel intérêt, je sais pas. Ouais, ouais, pareil, je me suis dit, dispensable, ouais. on attendra que Gravelax et Grey le traitent dans... voilà, c'est ça. Dans le Doute Reboot. Oui. Et à ce moment-là, ouais, je tenterai, avant d'écouter leur émission, je tenterai peut-être le visionnage juste pour avoir toutes les rêves dont ils parleront. Mais je suis pas sûr que ce soit en premier dans leur liste de reboot à traiter. On va leur proposer. Mais on leur proposera. C'est pas grave. Voilà. C'est Noël, plaisir d'offrir. Que pensez de ce film ? J'ai trouvé le début très très confus. Oui. T'arrives pas trop à suivre le fil, quoi. Tu dis ça. Où est-ce que ça m'amène? Parce que t'as les 10 voire 15 premières minutes, t'arrives, tu vois le truc, il y a la femme qui réveille son mari. Moi, au début, un peu la tête embrumée, j'ai dit putain, c'est Jacques Brel ça, c'est quoi? Et en fait, ça explose et je me dis wow, attends, Jacques Brel, ça commence comme ça, ils essayent de faire exploser sa voiture, tout ça. Et en fait, non, pas du tout, c'est pas du tout Jacques Brel, c'est un autre mec qui doit être exécuté, mais en fait, c'est pas lui et machin. Pareil pour le truc où le gars fait du stop au début et tu te dis il va avoir une importance ce mec là dans le film. Non, tu le revois juste à la fin et ouais. c'est pour le clin d'œil. Et je me suis dit attends, les 15 premières minutes du film c'est ça, est-ce qu'il y a vraiment un fil rouge, est-ce que c'est juste ça, ça va être long. C'est peut-être une des faiblesses du film, parce qu'il dure 1h25, ouais. Et qu'effectivement, si tu enlèves ce premier quart d'heure de mise en place, péniblement, il te reste 1h10. Hein. Donc effectivement, c'est même pour une comédie, c'est un peu court. Alors effectivement, la voiture qui explose, c'est celle du mec qui est censé aller témoigner et tout, tu vois. Ouais. Mais tu comprends qu'il y a un premier contrat qui est mis sur lui et puis qu'il le rate. Donc voilà, ils font venir un autre tueur à gage. Mais c'est vrai que cette première mise en place, elle est longue et un petit peu dispensable. C'est ça, et je pense que il est là, comme tu disais, la faiblesse est là, c'est que après on se retrouve dans un truc où, au début c'est vraiment dans la chambre d'hôtel, et une fois qu'il a essayé de se pendre et que il y a les quiproquos, les machins, tu veux faire quoi d'autre ? Faut sortir, sauf que tu mets une scène de voiture qui dure 25 minutes où il se passe rien, je vois pas l'intérêt. Donc, pour trouver des trucs à faire, et je pense que c'est le fait que ce soit déjà de base quelque chose qui a été écrit au théâtre qui fait que... parce que c'est une comédie, mais en même temps, c'est un peu tourné sur l'action. Parce que on parle de pièces de théâtre, là où il y a le comparo et où on se dit, en fait, non, tu peux très bien faire un bon film comme ça. C'est le film qu'on avait traité de Jean-Pierre Bacri. Un air de famille. Un air de famille, où là, tu te dis, mais c'est juste des personnes qui dialoguent entre elles, c'est une famille dysfonctionnelle, et voilà. Là, c'est deux personnes qui se connaissent pas, et... Hormis, je vais essayer de me suicider, je vais essayer de me pendre. Et c'est dommage parce que toute cette partie un petit peu en huis clos dans l'hôtel, elle est, moi je la trouve vachement bien. Elle est intéressante. Les mecs qui échangent, qui se parlent au travers de la porte, ou même au début qui se parlent pas, juste les qui se parlent pas, bruits, juste les bruits, et Ventura qui devient méfiant, un peu paranoïaque. Oui. Où tu te dis, ça crée un sentiment de. Totalement. De suspense et tout ça, et non. Effectivement, t'as cette partie extérieure, quand ils vont, quand ensuite ils sont obligés de partir, j'avais pas compris, moi, le coup du manège, mais c'est... Moi manège, non plus, je me suis dit, mais elle est allée au manège. Elle est allée au manège, effectivement. Elle s'en bat les couilles, elle est allée dans un carrousel, c'est bien, super. Voilà. Elle a quel âge? Elle a 14 ans. C'est gênant. Quand t'as monté un cheval une fois dans ta vie, forcément, c'est une référence que t'as pas forcément, ce qui est mon cas. Donc tu vois, manège, pour moi, j'avais pas pigé au début de quoi il parle. Non, moi non plus. C'est quand je les ai vus arriver, je me suis dit, mais pourquoi ils vont dans la campagne? Je comprends pas. Ouais. Normalement, c'est en plein centre-ville, t'as des manèges, des trucs comme ça, en pleine campagne. Non, d'accord, ok, pardon. Ok. Ah ouais, super. Et puis, après que Ventura ait été drogué, revoiture pour aller jusqu'à la jusqu'à la clinique. Et en fait, ces deux passages là, si tu les chronomètres, effectivement, ils sont assez longs. Forcément, par rapport à la dynamique d'une pièce de théâtre, c'est du rajout. C'est pas la même chose. Même s'il essaye d'instaurer des dialogues dans la voiture, c'est pas la même chose, quoi. Mais je sais pas comment est faite la pièce de théâtre, parce que effectivement là, on voit des décors différents, des choses différentes. Alors que je pense que vraiment la pièce de théâtre, c'est vraiment le... Je pense que c'est qu'une chambre. C'est les deux chambres et puis basta, ouais, quoi. Ouais. Ah oui, c'est pas possible autrement, effectivement. Donc tu as cette dynamique effectivement entre les scènes d'intérieur et d'extérieur qui est totalement différente et que tu perçois. Alors ensuite j'ai quand même trouvé le film intéressant. C'est voilà la carrure, le charisme des acteurs forcément joue énormément. Enfin, Ventura, là j'ai envie de te dire, je préfère 100 fois avoir Ventura et Brel que Berry et Tim Seat, hein. Là niveau charisme, même Pignon, il a du charisme. Ouais. Tu pourrais même te dire, si tu voyais en 73 ce film pour la première fois, en sortant de là, te dire, waouh, réincarner le François Pignon avec quelqu'un d'autre, ça risque d'être compliqué. Bon, ouais. Au final, Pierre Richard dans La Chèvre ou dans Les Compères, il fait ça très bien, il n'y a pas de... Villeray, pareil. Oui, Villeray, voilà. Pareil. Gad Elmaleh, super. voilà. Non. Élysée Moon. Trop bien. Ah, c'était au théâtre, Élysée Moon, mais il l'a fait aussi. Non, le duo fonctionne bien, le ping-pong entre les deux fonctionne bien. Alors on en reparlera à la fin. Effectivement, le côté par contre comédie hilarante des opilantes, on va quand même le chercher un petit peu, parce que tu as des scènes qui t'amènent le sourire, qui te font sourire. Pour ma part, effectivement, j'ai pas eu d'éclat de rire en regardant notamment ce premier tiers de film, voilà, où tu as cette interaction très forte entre les deux, avec un mec qui est complètement paumé et puis l'autre qui essaye juste d'arranger la situation pour pouvoir s'en débarrasser et faire ses petites affaires de son côté. Mais c'est vrai que ensuite le film part dans une sorte de vaudeville, en fait. Bah, on est... je sais pas si on pourrait qualifier ça de vaudeville. Parce que, ouais, effectivement, le vaudeville, c'est... Si, carrément, parce qu'il y a du quiproquo avec le docteur Fuchs. Il y a du quiproquo, et en fait, on joue plus que sur ça. On joue plus que sur ça, sur la fin. Oui, mais ça ne joue que là-dessus. Ça ne joue que là-dessus, voilà, jusqu'à la résolution finale. C'est peut-être le mélange en fait des genres théâtraux et effectivement une comédie qu'on pourrait résolument dire une comédie assez noire quand même, parce qu'on peint, ça parle de suicide, ça parle de contrat. Oui. Ça parle d'assassinat. Ça parle aussi de clinique psychiatrique, donc d'hôpital. Voilà, oui, c'est ça. J'allais dire d'hôpital psychiatrique. Oui, tout à fait. Parle quand même d'HP, donc on est quand même sur un truc qui est assez vénère en termes de propos. Parle de camisole. On parle de camisole. mais après, je pense que c'est le mélange de tout ça et le fait d'avoir voulu insérer peut-être un petit peu trop d'action. Et des scènes de voiture qui n'en finissent pas, qui fait que je pense que ça aurait pu être un meilleur film. C'est bien, mais ça aurait pu être mieux, effectivement. Ouais. Et parce que effectivement, tu vois pas l'heure 25 passer, hein. Ah non, clairement pas. Allez, l'époque s'y prêtait. Je sais plus s'il était encore vivant à cette époque-là. J'ai pas ses dates de naissance et de décès, mais ciseler un petit peu les dialogues avec du Audiard, tu vois. Ah, oui. Je pense que il y aurait peut-être eu un petit avec Ventura. Je veux dire, ça s'y prêtait quand même assez. De manière assez sympathique. Alors, est-ce qu'ensuite son personnage de tueur à gages avec des dialogues à la Audiard, ça aurait peut-être aussi peut-être un peu trop rappelé son personnage des tontons flingueurs, peut-être aussi, mais... Comme Weber était au scénario, est-ce qu'il s'est pas dit, on va peut-être prendre quelqu'un de... Enfin, parce que qui dit scénario quand tu écris la pièce de théâtre, tu écris aussi les dialogues. Oui. Il s'est pas dit, est-ce qu'on va pas essayer de trop dénaturer le truc en mettant Audiard, effectivement, tout en ne sachant plus s'il était encore de ce monde à cette époque. Et peut-être qu'il s'est dit, non, on va peut-être essayer de garder un petit peu le cœur du truc pour que ça dénature trop et que ça ne parle avait pas créé, trop ouais. dans des punchlines à gogo, quoi. Oui, c'est évidemment. Ah bah, Audiard est décédé en 85, donc en 73, Il aurait pu. C'est le sentiment, effectivement, qui m'est resté après visionnage, c'est de me dire, j'ai pas passé un mauvais moment, mais ça aurait pu être mieux, et voire ça aurait mérité d'être un peu mieux. Ah ouais, c'est totalement le truc, parce que, effectivement, comme je t'ai dit, j'ai passé un bon moment devant, et je me suis dit, mais ah, c'est dommage, parce que ça aurait dû peut-être rester une pièce de théâtre et t'aurais rajouté d'autres choses qui se passent, peut-être approfondir un petit peu le pourquoi la femme de Pignon s'est en allée, etc. Parce que ça, c'est juste effleuré au final. Tu te dis, ben, pourquoi pas, tu vois, voir Pignon peut-être un petit Elle peu plus. Elle voulait pas d'un pavillon à Poissy, c'est pour ça. Ouais. Oui, mais il y a un canapé dans le living. Oui, il y a quand même un canapé dans le living. Et puis les travaux sont finis. Faut que tu reviennes maintenant. Il a déchiré la maison. Poissy dans les années 70 contre Montpellier. Ouais. Ouais, bon. Je comprends qu'elle hésite. Ouais, ouais. Il y a un manège à Poissy. À la limite, un manège à bijoux chez Leclerc, mais c'est tout. Hein. C'est le max du max. C'est clair. Des choses bien, grosso modo, voilà. Des choses bien, mais un peu de regret quant à la consistance globale du plat qui nous est proposé. Quoi. Après, c'est toujours facile de dire ça. Nous, on a nos refs de 2025 avec tout le vécu qu'on a eu et tous les films qu'on a pu regarder. Bien sûr. Et en 73, bah, voilà, on n'est jamais vraiment allé dans les années... Dans les années 70, c'est le premier film qu'on fait, et c'est plutôt une bonne surprise, quoi. Oui, on est d'accord. Ensuite, fin des années 70, j'allais dire la comédie française, elle naît peut-être un petit peu après ce film, mais et encore, parce que tu vois, je pense au Splendide, je pense au Bronzé, au Père Noël est une ordure, où on avait vraiment de la comédie à grand spectacle, mais en fait, précédemment, tous les films avec avec De Funès, avec Bourvil, sont aussi de grandes comédies. Et donc on savait faire déjà à l'époque du cinéma qui allait t'emmener, qui allait te faire rire. Donc ouais, c'est on sent un petit peu un manque ou une retenue dans celui-là qui fait que on ne peut même en s'appliquant cette grille de lecture des années 70, un petit peu qui peut-être peut nourrir un peu de regret, effectivement. Ouais. Ouais, bah, la grande vadrouille, c'est en 66, donc effectivement. Bah, tu vois, tu parlais de De Funès, etc. Moi, Ouais, c'est quand même un film qui a caracolé en tête des entrées, des entrées France, jusque à l'arrivée de Titanic, quand même. Hein, donc, c'est ça. Quand on parle de raz-de-marée, voilà. Moi, je regardais parce que j'avais plus la 7e compagnie. On est sur la même année que L'Emmerdeur. Voilà. Mais ouais, je pense qu'il y avait quand même Fous du Stade. Non, je déconne, on parle pas des Fous du Stade. Non, déjà, c'est pas là, on parle pas des Fous du Stade. Malheureusement, tu vois, j'ai pas forcément grand chose de plus à dire sur ce film parce que voilà, on arrive à la fois à passer rapidement sur ses qualités et à passer aussi rapidement sur ses défauts pour convenir du fait que bah voilà, c'est bien, tu passes pas un mauvais moment, mais ça aurait mérité mieux, quoi. Bah, ça aurait mérité mieux, ouais. Après, je repense à ça aussi, notamment sur la fin, où effectivement, clairement, hein, on va vous le spoiler, hein, 73, arrêtez de déconner, mais ils terminent tous les deux en prison, dans la même prison. Et effectivement, moi, je trouve que, alors, la fin, plutôt pas mal, même si je la trouve peut-être un petit peu trop abrupte, où tu te dis, ah, c'est comme ça. Parce que le premier qui a essayé déjà de tuer l'autre, il s'est fait assassiner derrière, donc... Oui. Pourquoi est-ce que on... Tu vois, ça aurait peut-être été intéressant de voir justement Ventura et Brel. Ça aurait été, je sais pas, je me dis, ça aurait pu être marrant de les voir dans une sorte de cavale ensuite, pour que bah, justement Ventura ne se fasse pas tuer et Brel qui continue de le suivre, etc. Tu vois, tu rajoutes un petit 10-15 minutes où bah, justement il veut se venger de... Enfin, il veut se venger, il sait qu'il va être tué, donc il va peut-être aller essayer de mettre ceux qui ont commandité l'attentat hors d'état de nuire avant que ce soit lui qui soit tué, plutôt que juste de finir en prison, même si j'ai trouvé ça juste pépite. L'autre, il l'emmerde, mais littéralement, pendant plus d'une heure, une heure et demie, et la dernière phrase qu'il prononce, c'est « Monsieur Milan, vous inquiétez pas, on va s'en sortir, j'ai demandé à ce qu'ils nous mettent dans la même cellule. » J'ai fait « Waouh !» Oh la vache, il continue en plus, le bâtard. Tu parlais du commanditaire. Alors, fun fact, c'est le lieutenant Colombo qui est le commanditaire des attentats. Bien. C'est Serge Sauvion qui est la voix de Peter doublage, Falk. Voilà, et qui est la voix de Peter Falk, exactement. Voilà. Effectivement, ça me disait quelque chose. Mmh. Mais non, vous inquiétez pas, ça va aller. Petite anecdote également, puisqu'on en a parlé pendant cet épisode. Au départ, le rôle de François Pignon devait échoir à Bourville, qui est malheureusement décédé en 70, donc il n'a pas fait le film. Alors, c'est, à la fois, ça aurait été peut-être intéressant à voir, mais bon... Un François Pignon qui passe son temps à faire « Oh, mon vélo !» Ça aurait dedans. Mais je trouve... Mais qu'est-ce que vous faites avec cette carabine? Ah ben ma femme oh ah, tu peux te refaire tout le film avec la voix de Bourville, y a pas de problème, ça passe crème. Ah, le pavillon à Poissy, alors, avec mon vélo. Oui, il a déchiré ma maison. Ah, le délire. Waouh! Mais après, je trouve ça quand même couillu de s'être dit, bah tiens, on va prendre Jacques Brel. Oui! Parce que, bah, pour jouer. En fait, pour moi, un des trucs les plus compliqués à jouer, c'est la comédie. Parce qu'il y a un sens du timing, il y a un truc à faire, et tu te dis, là, on va prendre un chanteur, qui alors il est plus connu pour ses chansons que pour sa carrière cinématographique, mais c'est si sûr. On en a une. Et tu te dis, on va prendre un chanteur pour jouer de la comédie, et la comédie, en fait, parce que ça va au-delà de ça, hein, c'est que la comédie, elle arrive par lui. C'est de lui que vient tout le fil comédie, et c'est sur lui qu'on tire à chaque fois pour dire, bah ouais, là, on va faire une vanne, là, on va faire une vanne, là, on va faire une vanne. Et je le trouve, mais juste, je trouve qu'il joue juste, il est... il m'a impressionné, moi. Ah, en droupi désespéré, il est... Ah ouais. Il est très, très bien, on est d'accord. Puis, Et puis, quand il vient de rater sa tentative de pendaison et qu'il est dans la baignoire comme ça, assis, et tu fais, wouah, c'est incroyable. Ce désespoir qu'il a au fond des yeux en disant, même mon suicide, je le rate, quoi. Elle a pas voulu venir, même 5 minutes, elle a pas voulu venir pour me parler, et même me pendre, je le rate. Wouah. La loose. Ouais. Ah, ça, c'est la grosse loose, hein, effectivement. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, je pense qu'on a fait le tour. Oui. On ne peut que vous inciter à regarder ce film. Hein, et voilà, c'est une belle découverte quand même. Oui, faites-vous votre avis, mais c'est une belle découverte, effectivement. Faites-vous votre avis, mais vous allez quand même entendre le nôtre. Effectivement. Flo, oui. Est-ce que tu as trouvé ça drôle, vraiment? Eh bien, oui. Oui, j'ai trouvé ça drôle. Alors, effectivement, c'est pas à se taper le cul par terre, ouais. Puisqu'on est quand même sur une comédie noire, on est sur un truc où, bah, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça parle quand même de sujets assez, assez graves, même à l'époque. Mais effectivement, le charisme de Ventura et de Brel, le ping-pong verbal entre les deux, et heureusement qu'il y a eu ce ping-pong verbal, parce que sinon, les scènes en voiture, on se serait fait chier. Yes. Tu vois, mais même on va, je vais prendre un exemple tout con, mais le timing dans la voiture quand il y a la femme enceinte, le timing où elle crie, ah, elle putain, crie, j'avais oublié toute cette séquence là. Et tu vois Lino Ventura qui est en train de bouillir intérieurement. Ouais, ouais. Et Jacques Brel qui commence à, hey, vous savez, il y a plein de femmes qui accouchent dans les voitures, dans les machins, dans tout ça. Il en a ras le cul, il le jette comme ça, et il commence à reprendre la route, et tu vois la femme qui ne dit plus rien, le mari comme ça, qui s'aventure quand même jusqu'au à dire, moment où ça va? Ça va mieux, ma chérie. Et là, elle attend 2 secondes, mais les là, deux ça trigger. Poil qu'il faut, et elle le regueule. Tu fais, waouh, c'est. Et Lino Ventura qui est oh, putain. Donc ouais non effectivement c'est plein de ressorts comiques assez marrants et mine de rien c'est un truc où il y a quand même de l'action, il y a des choses qui se passent. Enfin je pense que physiquement ils ont dû donner de leur personne parce que enfin essayer de se pendre comme ça, se casser la gueule même si bah effectivement c'est pas pour de vrai. Ça peut quand même, si c'est mal fait, être chaud. Pareil, la scène quand ils sont sur l'extérieur de l'hôtel. Ouais, ouais, quand même. Tu te dis, bon, ok, d'accord. Peut-être qu'ils étaient harnachés ou je ne sais quoi, mais effectivement. Ah bah, il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas de conneries comme ça à l'époque. Hein, ah oui, non, je c'est pense ça. qu'ils ont vraiment tourné sur la façade. Hein. Oui, si, et puis si, et puis on n'en a pas parlé, mais voilà, on a le droit à un plan nichon gratos, aussi. C'est vrai. Parce que c'est les années 70. Parce que quand même, parce que oui, faut pas déconner. Lino Ventura qui rentre dans la pièce, en pétant en poussant un petit peu, il pète la fenêtre, pourquoi pas, et il y a un couple qui était en train de visiblement de s'adonner à des plaisirs charnels, et du coup, tu vois juste un nichon qui dépasse, voilà, tu fais beau. Bon, bah okay, très bien. Voilà, c'est... pourquoi pas, why not. Et toi, Tom, est-ce que tu as trouvé ça drôle, vraiment? Eh bien, mon avis rejoint le tien. Voilà, pas d'éclat de rire, pas à se taper le cul par terre, mais effectivement, une comédie, même si on l'a dit, elle est dans un genre noir, mais voilà, une bonne comédie portée surtout par un super duo de comédiens. Quelques longueurs qui auraient mérité, voilà, peut-être un autre traitement, mais globalement, oui, un très bon moment passé devant ce film, j'ai pas autant ri qu'à Chasse gardée, c'est sûr. ça reste un bon film, une bonne découverte. Mm-hmm. Et voilà, si vous ne connaissez pas cet original, voilà, surtout allez sur celui de 1973 et pas sur celui de 2008. Je l'ai pas vu, mais c'est nul. Voilà, je prends position. Voilà. Tout ça pour annoncer ton nouveau format de podcast, je ne l'ai pas vu, mais c'est nul. Bon, eh bien, est-ce que nous avons des actualités, Flo? Des actualités, cet épisode sort quand? Je te rappelle qu'il sera diffusé le 15 février, c'est-à-dire le lendemain de la Saint-Valentin. Le 15 février, je ne sais pas si on aura pu enregistrer un épisode de date de sortie, donc... Peut-être. Je ne sais pas, tout dépendra de Jess, mais effectivement, il devrait y avoir... Nous sommes en pourparler. C'est ça, mais il devrait y avoir un épisode. Mais voilà, il y a déjà un épisode qui est sorti le 1er, le 1er janvier, pardon. Ouais. Donc voilà. Et vous-même, monsieur? Eh bien, puisqu'on parle de Jess, voilà, Jess, au 1er février, était avec moi dans les Baby Graveurs. Nous avons enregistré tous les deux. Ah bon? Alors, il va trouver des créneaux, alors? Exactement, ouais. Alors... Pour paraphraser ce que Jess me disait, quand on n'est que deux, c'est plus facile. Titre. Voilà. Mais c'est moins sympa, peut-être. Mais c'est moins sympa, titre. et on a enregistré. Alors, c'est parce que c'est parti d'une conversation, juste comme ça, d'un petit échange qu'on avait eu par texto sur le film Better Man, le biopic. Le biopic de Robin Williams. Voilà, film qu'on avait adoré tous les deux. Et Jess était très surprise que j'ai aimé ce film. Et je lui dis, écoute, moi, ça m'intéresserait d'en parler. Dès que toi, tu aimes un film, elle est surprise. Ah ouais, elle est surprise. Oh, quoi? Quoi? Oh, my fucking God! Oh, il y a un petit cœur qui bat là-dessous, hein, quand même. Oh, merde! Merde alors. Et donc, bah, je me suis dit, bah, écoute, moi j'ai trouvé ce film vachement bien. Je pense que la vie de Robbie Williams aussi est un truc assez, assez incroyable à traiter. Donc, je me suis dit, bah, écoute, si t'es partante, on fait Based on a True Story sur, comment, dans le format Baby Graver. Et puis, bah, tu viens et puis on le fait tous les deux. Et puis, elle m'a dit, OK. Donc voilà, diffusion de cet épisode sur A Better Man, début février. Très bien. Et maintenant, la suite, le mois prochain. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose le mois prochain? Qu'est-ce qu'on a le mois prochain? Le choix du prince. Ah, voilà. Que vas-tu nous sortir de ta hotte de Père Noël? Eh bien, pour le mois prochain, je propose de ne pas dire le nom du film. Je propose, je ne dis pas le nom du film pour les auditeurs, mais pour comment la simple les gens vont et bonne faire raison. Ils verront le jour de la sortie. Mais je propose que, je propose que ce soit sous format de commentaire audio, déjà. Et on avait déjà fait un commentaire audio sur le Baltringue avec ce cher Grey de Nanarologie, avec Rémi. Et je propose de le réinviter pour faire le commentaire audio du film que j'ai en tête. Voilà. Oui, le film qui s'appelle Piiip. Voilà. Oui, voilà. Quel ce fameux film de merde. Voilà, là, c'est incroyable. Je m'y suis cru. Donc voilà, on vous garde un peu la surprise du film. Pour la mi-mars, donc voilà, commentaire audio. Voilà. Et on fait venir une victime expiatoire. Ouais. Eh bien, je te propose de clôturer et de te dire à la prochaine. À la prochaine. Merci à tous. Ben oui, merci à tous. Ah sinon, on a, non, tu vois, c'est le problème d'enregistrer super longtemps à l'avance. On est fin décembre. J'allais souhaiter par avance une bonne année à tout le monde, mais j'avais oublié qu'on l'avait déjà fait dans l'épisode précédent. Voilà, oui, exactement. C'est ça. Tout à fait. Donc non, pas de bonne année, non. Juste... Non, juste, salut à tous, au mois prochain, voilà. Voilà, juste bonjour madame. Voilà, allez, salut fausse blonde. Salut fausse blonde. Salut mon Flo, à bientôt. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Et vous trouvez ça drôle?